Alors, je suggère fortement Le Plongeur de Stéphane Larue. On a beaucoup parlé du roman depuis un an, mais moi, je suis en train de faire l'adaptation au cinéma. Donc, je travaille de concert avec Stéphane pour le porter au grand écran. C'est un roman qui m'a séduit de A à Z, qui rappelle un peu ma jeunesse à moi, mais bon, ça se passe en 2002. C'est l'histoire vraiment, encore une fois, d'un jeune homme qui essaie de s'en sortir avec ses problèmes. Puis c'est le milieu des cuisines et de la plonge et des restaurants montréalais en hiver 2002. C'est un univers particulier et unique et je recommande chaudement la lecture du Plongeur.